En Corée, la fabrique de cosmétiques de Pyongyang donne ses produits de soins à la marque Unasu. Ces cosmétiques basés sur des extraits des produits pharmaceutiques Goryeot donnent l'effet plus efficace pour la prise en charge de la dermatose, comme l'acné, à la différence des cosmétiques fonctionnels à effet de protection de la peau et de prévention du vieillissement. Une dizaine d'espèces de cosmétiques de soins sont produites.